Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore qu'on écoute à CKRL, le 89.1. Et pour celles et ceux qui sont ou bien loin de la région de Québec ou bien familiers sur la toile, on retrouve l'émission à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver autour d'œuvres sonores dont le penchant est plutôt ce soir du côté des musiques nouvelles et des courants sonores associés aux musiques électroacoustiques. Pour parler plus sobrement, disons que j'ai réuni ce soir des créations sonores et musicales qui nous proposent, une fois réunis, un voyage sonore qui déroule ses charmes entre la France, la Norvège et le Québec sous des ciels variables, comme en témoigne le titre des albums « Entre la nature et la culture, entre la chaleur et la froidure, entre le jour et la nuit, entre les chiens et les loups ». Au programme donc de la prochaine heure, je vous partage des créations sonores récentes du compositeur québécois Stéphane Roy, du duo formé des Français Frédéric Dufour et Julien Demoulin et du trio norvégien formé d'Anja Lovdal, d'Espen Reinertsen et de Christian Winter. Et j'amorce la soirée avec un magnifique projet de Stéphane Roy qui lançait en mai 2025 sur étiquette Empreinte Digitale un très bel album intitulé « Coup de foudre ». Coup au pluriel, le coup de foudre amoureux peut-être, mais surtout le coup de foudre qui embrase les forêts et les peuples. On retrouve trois œuvres sur cet album qui ont été initialement composées en version multicanale, probablement pensées pour une diffusion spatialisée avec de nombreux haut-parleurs, un peu le fondement de la démarche acousmatique que privilégie Stéphane Roy. Ce sont de longues pièces et ce soir, je vous fais entendre la création intitulée « Après les cendres », un titre qui évoque, raconte Stéphane Roy, les souffrances causées par cette foudre qui consume l'humanité et il la nomme « C'est la guerre ». Non seulement ces guerres du passé qu'on oublie trop facilement, dit-il, mais aussi ces guerres d'aujourd'hui très actuelle, comme si l'histoire n'était vouée qu'à se répéter à l'infini pour la grande douleur de tous. Je referme les guillemets. Bien sûr, sans les nommer, Stéphane Roy nous fait penser aux Ukrainiens, aux Palestiniens, aux populations birmanes et soudanaises, bon, voilà, entre autres. Alors, à partir d'une dramaturgie sonore grandement réussie, on écoute ça, Après les cendres, une création tirée de l'album Coup de foudre de Stéphane Roy.

Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre « Après les cendres », une création tirée de son dernier album intitulé « Coup de foudre » de Stéphane Roy. Autour de cette idée du voyage que j'évoquais en début d'émission, on va s'arrêter cette fois du côté européen à l'écoute de cette pépite sonore intitulée « Entre chien et loup » des artistes sonores et musiciens Frédéric Dufour et Julien Demoulin. Il s'agit d'une première collaboration par deux créateurs fascinés par les changements de la lumière selon le temps qu'il fait ou bien selon l'état du monde dans lequel on vit. C'est cette vieille expression française « entre chiens et loups » qui va gouverner la création de cet album engagé, faire venir un peu la lumière sur ces parties du jour plombées d'obscurité. « Entre chiens et loups » est le fruit de 6 mois d'échanges amicaux entre Dufour et Demoulin. Ça se passait durant le confinement 2020-2021, période durant laquelle ils sont en quête de vie et de lumière en ces temps plutôt sombres. Bon, il en ressort quoi? Ben, un album splendide qui est la démonstration d'une réussite, celle d'inventer la lumière de fabuleux paysages sonores, des paysages méditatifs qui dialoguent entre eux comme il en serait d'une conversation. On y retrouve mixés des tonalités de synthé, des enregistrements terrains, des fragments d'instrumentation musicale. Julien Demoulin est un artiste sonore, musicien d'origine française vivant en Belgique, qui est actif depuis 2004, d'abord au sein du groupe Silencio jusqu'en 2013, puis sous son propre nom ensuite. Frédéric Dufour est aussi un artiste sonore et musicien. Il a fait partie du duo de chansons Lo-Fi Donna et demeure à ce jour un passionné d'enregistrement de terrain, de sonorité électroacoustique. Bon, voilà, on écoute un enchaînement de 3 créations intitulé « Aube artificielle, photophore et extérieur nuit », tout ça tiré de l'album « Entre chien et loup » de Julien Demoulin et Frédéric Dufour. Thank you. Eh bien, voilà ce qui complète la première partie, première demi de l'émission, en compagnie des créateurs Julien Demoulin, Frédéric Dufour. Restez des nôtres, on poursuit ça avec des évocations de ces entre-deux qui divisent le rouge et le noir, le jour et la nuit, le ciel et la terre, avec l'ensemble norvégien formé d'Anja Lofdahl, d'Espen Reinhardsen et de Christian Winter. Alors, à tout de suite. C'est KRL 89.1. Vous écoutez? La croche oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça en orientant sur la toile. Bon, à la suite de la première demi, on poursuit cette quête de l'entre-deux, de ces horizons barrés qui ne distinguent jamais parfaitement le réel de l'imaginaire. Bon, la chaleur de la froidure, le chien du loup, le jour de la nuit. Et on va faire ça avec un très beau projet, cette fois intitulé Night as Day, Day as Night, réalisé par les musiciens et artistes sonores norvégiens Anja Lofdahl, Espen Reinhardsen et Christian Winter, trois artistes profondément associés à la scène des musiques expérimentales norvégiennes. Qu'en est-il de ce premier album, merveilleux album, alors j'ouvre les guillemets, fort d'une grande expérience musicale, explorateur de styles variés allant du jazz, d'avant-garde ou folk alternatif, raconte Christian Winter, nous sommes tous les trois fascinés par une musique qui se situe dans un entre-deux. D'une grande richesse texturale et onirique, l'album Night as Day, Day as Night est précisément cet entre-deux enchanteur qui est proposé. L'objectif du projet, raconte cette fois Anja Lofdahl, était de permettre aux musiciens et musiciennes de fusionner leurs expressions individuelles pour créer une musique nouvelle. Je referme les guillemets. Anja Lofdahl est une musicienne, pianiste, compositrice et improvisatrice à l'avant-garde de l'expérimentation musicale norvégienne. On raconte que son jeu, parfois onirique, confère à cet album une atmosphère de douce lumière, matinale, hivernale. Espen Reinhardsen est une figure réputée des studios et de la scène expérimentale norvégienne, connue comme saxophoniste et musicien improvisateur. Et puis Christian Winter, quant à lui, est un guitariste, compositeur, chanteur et improvisateur, une figure majeure de la scène alternative et expérimentale. Alors, en comptant sur de tels parcours artistiques, raconte Christian Winter, on comprend comment Night as Day, Day as Night, ait pu réussir à entremêler autant de styles et d'approches, ce genre de projet qu'on ne peut réaliser seul. Ben, je referme encore les guillemets. On raconte que Winter, Lofdahl et Reinertsen ont été inspirés par la générosité de leur public et un intérêt manifeste pour la narration et la richesse des tonalités. Vous allez comprendre tout ça à l'écoute. Alors, voilà, on écoute quelques extraits de cet album intitulé « La nuit comme le jour comme la nuit ». Là, bon, je traduis. C'est du trio formé d'Anja Lofdahl, Espen Reinertsen et de Christian Winter.

Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes norvégiens Anja Lofdahl, Espen Reinertsen et Christian Winter autour de leur album intitulé Night as the Day as Night. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres, dont Stéphane Roy avec ses coups de foudre, Julien Demoulin, Frédéric Dufour, Entre chien et loup, qu'on a entendu en première partie. Alors, vous retrouverez leurs œuvres sur les labels Empreinte Digitale pour le Québec, sur Sofa pour la Norvège et Rusted Tone Recording pour Dufour et Demoulin en Europe. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée avec le trio norvégien formé de Lofdahl, Reinertsen et Winter. Voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.